Il reste combien de temps? 13 minutes. 13 minutes. En 13 minutes, si Allah Azza wa Jalla te met la baraka dans ton temps, tu peux sortir de la mécréance et rentrer dans l'islam. En 13 minutes, tu peux faire des prières sur rogatoire, tu peux invoquer Allah Azza wa Jalla, tu peux lire le Coran, tu peux te repentir de tes péchés. Et peut-être que tu t'es dirigé vers l'enfer et tu sors pour entrer fil Jannah. Donc, ne néglige jamais une minute. Lorsque Zizé nous dit reste 2 minutes, j'en vois qu'ils sont tristes. Hein? On voit certaines personnes, leur visage s'assombrit. Mais nous, lorsqu'on entend 2 minutes, on dit Alhamdulillah. 2 minutes, c'est un khair azim. 2 minutes, c'est un grand bien. En 2 minutes, peut-être qu'on récite un hadith. Et que vous écoutez un hadith. Et que par cette cause, Allah Azza wa Jal nous écrit son agrément jusqu'au jour où on le rencontre. Et wallah. Ne néglige pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une phrase que tu vas comprendre et mettre en pratique, peut-être que par cette cause, Allah Azza wa Jal t'effacera tous tes péchés avant que tu sortes d'ici. Par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit son agrément jusqu'au jour où tu le rencontres. Subhanallah. 13 minutes, khayr azim. الحديث الثاني عشر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر دونك لو دوزيام حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, comment s'appelle Abu Huraira? Abu Huraira, c'est sa kunya. Quel est son prénom? Abdurrahman ibn Sakhr. Jazakallah khairan. Les savants divergent sur son nom. Et la parole la plus. La parole qui est retenue le plus souvent est Abdurrahman ibn Sakhr. Et Shaykh Mughbir, rahimallahu ta'ala, wa rafa'allahu darajati fil jannah, kama tasabbaba fi khayrina. الذي من الله علينا بنا أو علينا كان يقول واشتهر بكنيته. Le grand savant Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, grand savant du Yémen, disait, et il a été connu sur sa kunya. Alors on dit Abu Huraira. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il manque à dire dans la traduction en français. Fait partie du bon islam de la personne le fait qu'elle délaisse tout ce qui ne la regarde pas. Tout ce qui ne la regarde pas. Ici, les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Quant à l'authenticité de ce hadith. Et l'imam Shaykh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i voyait que ce hadith n'était pas muttasi, mais qu'il était mursel. Min marasil, Hussein al-Abidin, Ali ibn Hussein, Ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc certains parmi les savants voient qu'il y a une cassure, na'am, dans la chaîne de transmission. Donc que ce hadith n'est pas authentique. Et d'autres parmi les savants disent qu'il peut arriver au niveau où il est acceptable. Il peut arriver au niveau où il est acceptable. Et certains savants disaient que yani, sa faiblesse ne nous permet pas de le faire monter au niveau du hadith qui est accepté. Au niveau où on dit que le hadith est accepté. Mais à mon faible niveau, je ne peux me permettre de dire que la parole la plus plausible est tel avis ou tel avis. Quoi qu'il en soit, les savants ont pour habitude, après avoir jugé un hadith faible, soit de passer, soit d'expliquer brièvement. D'expliquer brièvement le texte. Donc, Abu Huraira est connu de tous, toujours un rapporteur de l'islam, on a déjà parlé de lui, radiallahu anhu. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie du bon islam. On comprend, on a déjà compris ce qu'est l'islam. Bunya l'islam ala khams. Donc Donc ça c'est arkan ou l'islam al-khams. Et on a vu dans le hadith d'Ibril, le hadith de l'avant, le deuxième hadith, que l'ensemble de l'islam a trois degrés. L'islam, l'iman, l'ihsan. Et ici, on nous dit, fait partie du bon islam. De la même façon, فَكَمَا أَنَّ الْإِيمَانِ يَزِدْ وَيَنْقُسْ فَإِسْلَامُ الْمَرْءِ كَذَلِكَ فِي الْحَسَنِ وَفِي الْأَحْسَنِ. Donc l'islam de la personne peut être bon et peut être meilleur. Donc il y a des degrés chez les gens. Les gens ne sont pas égaux dans leur foi. L'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme l'islam des compagnons, dans sa perfection et dans la perfection de la mise en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint la perfection humaine. Et l'islam de celui qui a mémorisé le Coran et le met en pratique n'est pas comme l'islam de celui qui n'a pas mémorisé le Coran, ni le met en pratique. L'islam de celui qui prie à la mosquée et celui qui délaisse la prière en commun n'est pas identique, et ainsi de suite. Donc, l'islam a des degrés. Et les gens ne sont pas égaux quant à la mise en pratique de cette religion. Plus tu mémorises, plus tu comprends, plus tu mets en pratique et plus tu es sincère, sans oublier d'agir en conformité avec la sunna du prophète, plus ton islam se rapproche de la perfection. Plus ton islam se rapproche de la perfection. C'est pour cela que dans plusieurs versets, on voit qu'Allah Azza wa Jalla nous dit « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ » et qui est meilleur en matière de religion. Donc on voit qu'il y a des degrés. Et ça a été cité également pour la foi. الإيمان بضعة وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. طيب يزداد الذين آمنوا إيمانا وما يقبل الزيادة يقبل النقص. طيب في الغالب. Donc on a des preuves dans le Coran et la Sunna qui nous montrent que l'islam de la personne augmente et diminue. Et la foi de la personne augmente et diminue. Ça peut diminuer au point que ça atteigne un atome. Subhanallah. Comme dans le hadith de Shafa'a, où Allah Azza wa Jalla va ordonner aux anges de faire sortir du feu de l'enfer toute personne musulmane qui avait un atome de foi dans son cœur. Subhanallah. Bi rahmati arhamir rahimin. Par la miséricorde du plus miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, qu'est-ce qui fait partie du bon islam de la personne? Al-mar, c'est l'individu, c'est général. À la base, c'est au masculin, mais ça peut englober l'ensemble des gens. Tayyib, imru'un, imra'atun, al-mar'u, al-mar'atun. Donc, fait partie du bon islam de la personne de délaisser. Tarkuhu, de s'éloigner ou de délaisser ma la ya'ni ma laysa min sha'nihi ma laysa lahu fihi min dakhl. Donc comme on dit de manière commune, ce qui ne le regarde pas, et même les gens qui ne sont pas pieux disent comme expression, de quoi tu te mêles? De quoi je me mêle? Tayyib. Donc, fait partie du bon islam de la personne de s'éloigner de ceux qui ne la regardent pas. Et ceux qui ne la regardent pas est bien plus général que ce qu'on peut penser. La première chose qui ne regarde pas, c'est quoi? C'est le haram. Le haram, ça ne regarde pas. Donc, ne t'approche pas de ce qui ne te regarde pas. Ne t'approche pas de la mauvaise croyance. Haram. Ne t'approche pas du shirk, c'est haram. Ne t'approche pas de l'innovation, c'est haram. Ne t'approche pas des grands péchés, c'est haram. Ne t'approche pas des petits péchés, c'est haram. Et parmi les choses qui ne te regardent pas également, el makruha, les choses qui sont détestables. Le mieux, c'est que tu t'en éloignes. Mais si tu le fais, tu ne mériteras pas de péché. Tant que cela ne te pousse pas à tomber dans quoi? Dans le haram. Dans le haram. Rentre également dans les choses qui ne te regardent pas. Ma yuribuk, ce qui est douteux, éloigne-t'en. Ensuite, parmi les choses qui ne te regardent pas, ce qui se passe chez les gens, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Et des fois, ça va très très très loin. Un homme se marie et ils lui disent, je t'ai marié avec une femme de quel pays? L'homme répond. Ensuite, il dit, quel âge? L'homme répond. Ensuite, quelle ville? Il répond, yani, ech dakhlek? Yani, en quoi ça te regarde? Yani, si sa femme, elle est grande ou elle est petite ou elle vient de tel pays ou de tel pays, ou si. Wa هذا لا هذا لا دخل لك فيه. Ou combien est-ce que telle personne, combien est-ce qu'il est payé? Et telle personne, combien a-t-elle fait de bénéfices? Ça ne te regarde pas. Les problèmes chez le voisin, ça ne te regarde pas. Les savants ont même dit, dans le couple, les parents de la mariée, les parents de la femme, rentrent dans ce hadith en ce qui concerne les problèmes conjugaux. Ça veut dire l'homme a une dispute avec son épouse, ben ça ne regarde pas les parents. Ça ne regarde pas les parents. Au point, l'imam Ahmed rahimallahu ta'ala a dit, même si l'homme fait quelque chose à la femme devant le père de la femme, hein, il ne lui demande même pas pourquoi est-ce que tu as fait ça. Si nous, on voit cela devant nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Taïeb, là, les parents ne rentrent pas dans le couple. Sauf si le couple n'a pas réussi à arranger. Alors, à ce moment-là, ils viendront pour réconcilier et non pas pour jeter de l'huile sur le feu, comme dit l'expression. On va s'arrêter sur ça. Et on reprendra à ce hadith, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Nahmadullah azza wa jal, ala nwaffaqana li qira'ati ahadith min ahadith rasulillahi al-habib al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa an yukaffira anna sayyiatina wa an yatawaffana ma'al abrar. As'alullah subhanahu wa ta'ala yuslihana wa yusliha aba'ana wa dhurriyatana wa yashfiana wa marda al-muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.